Toutes les nuits, oh oh. Toutes les nuits, oh oh. Toutes les nuits, je ne dors plus. Je dors les yeux ouverts. Je ne pense même plus à toi. Toutes les nuits. Toutes les nuits, je déçus à froid. Au moindre bruit, je réagis. Toutes les nuits. Toutes les nuits. Où j'ai mis mon cœur. Où j'ai mis mon cœur. La table de chevet, on sait jamais. Où j'ai mis mon cœur. Sur la table de chevet, on sait jamais. Sur la table de chevet, on sait jamais.